Bonjour et bienvenue dans On refait la Coupe du Monde, l'émission qui vous raconte l'histoire de la Coupe du Monde de football. Aujourd'hui, je vais revenir sur la Coupe du Monde de 1970 au Mexique. Malgré des conditions difficiles dues à la chaleur et l'altitude, Mexique 1970 est considéré comme l'une des meilleures Coupes du Monde de l'histoire. Offrant de nombreux matchs épiques, lors de cette première phase finale diffusée en couleur, les cinq précédents vainqueurs du tournoi alignent de redoutables équipes, l'Uruguay, l'Allemagne, le Brésil et l'Angleterre. Et c'est de nouveau le Brésil de Pelé qui, s'appuyant sur une génération d'attaquants exceptionnels avec Pelé, Gerson, Jairzinho, Rivelino et Tostão, qui s'impose en battant l'Italie 4 buts à 1 en finale. Ce troisième titre permet au Brésil de conserver à jamais le trophée Jules Rimet. Un mondial tout en couleurs. Le Mexique est décidément le centre du monde sportif depuis 2 ans. Après les sublimes Jeux Olympiques de 1968 marqués par de multiples exploits et de scènes inoubliables, le grand pays d'Amérique centrale accueille la Coupe du Monde de football. C'est la première fois que le grand rendez-vous mondial s'installe ailleurs qu'en Europe ou en Amérique du Sud. Et cette fois, il s'agit bien de la Coupe du Monde en entier. L'Afrique rejoint les Amériques, l'Asie et l'Europe à la table du football planétaire. Désormais, grâce à la télévision en audiovision et en couleur, toute la planète est invitée à assister au spectacle intercontinental du ballon rond. À la découverte de nouvelles terres, la Coupe du Monde va également découvrir de nouvelles conditions de jeu. Pour la première fois, l'épreuve se déroule en altitude. 4 des 5 sites où se déroulent les rencontres se situent entre 1800 et 2600 mètres d'altitude. De plus, elles ont lieu sous la canicule avec des coups d'envoi à 12h ou à 16h. Les équipes européennes surtout redoutent le double effet de ces conditions de jeu sur les organismes. Elles ont dû se préparer de manière spécifique pour résister en particularité climatique du pays. L'expérience des Jeux de 1968 leur a été profitable. Scruté désormais par le monde entier, le football entre dans l'ère de la science, ce qui n'empêche pas en 1970 d'offrir une Coupe du Monde de légende. Le Brésil 3 étoiles. Entre ces deux actions de Pelé qui marquent l'histoire de du football, l'Italie aura pour principal mérite d'apporter un soupçon d'imprévu en égalisant par Boninsegna, grâce à une grosse erreur de relance de Clodoaldo. Même si elle reste alors plus que 80 minutes à jouer, à l'issue paraît inéluctable. C'est donc sans surprise qu'on le voit Gerson d'un tir croisé tendu à la 66e minute, puis Jairzinho à la 71e minute, servi par Pelé, d'ouvrir la voie du troisième titre mondial du Brésil, victoire 4-1 face à l'Italie. Deux innovations techniques ont lieu pendant la Coupe du Monde 1970. Désormais, les avertissements et les expulsions que décident les arbitres sont matérialisés par des cartons jaunes et rouges. L'autre innovation est l'autorisation procédée à 2 remplacements par équipe en cours de match. Quelle équipe était la meilleure? Le Brésil de 1958 ou celui de 1970? L'équipe du Brésil 1970 est considérée par beaucoup comme la meilleure de l'histoire du football. Mais au Brésil, elle possède un rival, le vainqueur de la Coupe du Monde 1958. Pelé fut également la star de l'équipe en 70. En 58, il n'avait joué qu'à partir du troisième match et il avait été blessé lors du second match en 1962. En 1966, il fut sévèrement critiqué lorsque le Brésil ne parvient pas à sortir des groupes. Mais en 1970, Pelé joua ce tournoi du début jusqu'à la fin, explique Zagallo, le sélectionneur du Brésil en 1970 et joueur aux côtés de Pelé en 1958, premier joueur et entraîneur vainqueur de la Coupe du Monde. Lorsque le Brésil est devenu champion du monde pour la troisième fois en 1970, il est venu me voir et m'a serré dans ses bras et il a dit « Zagallo, il fallait qu'on soit ensemble pour gagner une troisième fois ». C'était quelque chose qui m'est toujours resté. La vision de Pelé, grâce à la Coupe du Monde 1958, le Brésil est devenu célèbre dans le monde entier. Comme jamais auparavant, une victoire était importante pour la vie sociale et économique du pays. Concernant 1970, le Brésil avait la meilleure équipe de tous les temps. Ça ne fait aucun doute. La Coupe Jules Rimet s'envole au Brésil. Ce dont on est certain avant le coup d'envoi de la finale de la 9e Coupe du Monde, c'est que le vainqueur remportera le trophée Jules Rimet. C'était la première version de la Coupe du Monde, à titre définitif. Depuis l'origine, le règlement stipule que la première nation qui s'impose 3 fois deviendra propriétaire du trophée, ciselé par le sculpteur français Abel Lafleur. Or, l'Italie 1934 et 1938, comme le Brésil 1958 et 1962, ont déjà été 2 fois champions du monde. Lorsqu'il brandit le trophée à l'issue de la finale, le capitaine Carlos Alberto emporte définitivement la statuette en or au Brésil. Volée en 1983, elle ne sera jamais retrouvée. La fédération brésilienne fera alors fabriquer une réplique du trophée. Une nouvelle coupe. Le troisième triomphe du Brésil au Mondial 1970 lui a valu de conserver la coupe Jules Rimet. 53 propositions de nouveaux trophées sont soumises à la FIFA qui choisit le projet de l'artiste italien Silvio Gazzaniga, sobrement appelé Coupe du Monde. L'objet mesure que 36 cm de hauteur, mais pèse 6175 grammes, dont 4927 d'or pur et 18 carats. Un nouveau règlement décrète que le trophée restera toujours propriétaire de la FIFA. Les fédérations championnes du monde sont voyées remettre une simple réplique plaquée en or. Pour la petite info, c'est l'Allemagne de Beckenbauer qui soulevera le nouveau trophée à domicile en 1974 face aux Pays-Bas de Cruyff, victoire 2-1 des Allemands. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous a plu de remonter dans le temps pour la Coupe du Monde 1970. Je vous retrouve très vite pour d'autres histoires sur la Coupe du Monde de football. Salut!